Bonne année! Bonne santé! Avec Fadjet. À bout de jet, ça. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, fidèles auditeurs de Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. Nous, on va repartir pour une nouvelle année avec les bons plans solidaires de l'association Aurélia et du groupe Solidaire Actif. Voilà, les membres vous ont préparé et vous ont présenté leurs bons vœux pour 2024. Aujourd'hui, on a autour de la table Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et on a aussi Alain. Salut Alain. Bonjour à tout le monde et bonne meilleurs vœux. Merci à toi Françoise, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et Tao, bonjour Tao. Bonjour Lionel. Alors vos vacances se sont bien passées, vous avez bien mangé, maintenant c'est régime. Oui. Ça a été. Bon, très super. Bien. Alors on va attaquer tout de suite notre émission par la première chronique. C'est Alain qui va nous, bah ça tombe bien, on est juste au lendemain des fêtes, qui va nous parler des quelques conseils après les fêtes. Les fêtes de fin d'année se terminent. Il faut reprendre les bonnes habitudes après avoir mangé des repas copieux et très nourrissants. Il faut se serrer la ceinture. Quelques légumes verts, de la viande grillée, du blanc de poulet, du riz blanc pour aider l'estomac à se débarrasser des mauvaises graisses. Évitez de manger de la galasse faite avec de la crème. Buvez de l'eau gazeuse, car elle vous aide à avoir une bonne digestion. Pour mieux dormir, prenez une tisane à la vermeille. Et pour la grippe, chauffez un verre de lait avec une cuillère de miel liquide. Mélangez et buvez. Bonne année à tous et bonne santé. Eh bien merci Alain pour cette bonne chronique, ça fait du bien de rappeler les bonnes choses pour bien digérer des fêtes. Et maintenant c'est Tao qui continue oui. La présentation de l'émission. Merci beaucoup Lionel. Et la prochaine chronique est celle de Bertrand qui va nous parler des chauffages d'appoint je crois. Oui, la période est un petit peu fraîche en ce moment, donc il est temps de penser éventuellement à se procurer des chauffages d'appoint pour ceux qui n'ont pas suffisamment de chauffage chez eux ou dont la chaudière, par exemple, tombe en panne, parce que c'est finalement assez souvent en hiver que ces choses-là tombent en panne, parce qu'en été, on s'en sert pas beaucoup. Donc pour ceux qui sont privés de chauffage chez eux, il y a plusieurs solutions, plus ou moins coûteuses et plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Donc il existe trois types de chauffage d'appoint, enfin essentiellement à part le poêle à bois, mais enfin encore faut-il avoir un conduit et puis ça c'est relativement coûteux à l'achat, même si c'est le meilleur chauffage le plus économique. Parce que l'intérêt d'un poêle à bois quand on a la chance d'en avoir un, c'est qu'on peut brûler tout ce qu'on veut comme bois dedans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, il existe essentiellement donc pour les gens qui sont en appartement des chauffages. Donc, on a le choix entre chauffage électrique, chauffage à gaz ou chauffage à pétrole. Alors, pour ce qui est des chauffages électriques, vous avez les convecteurs classiques, ce qu'on appelle le grille-pain, ou alors les radiateurs à bain d'huile. Donc, c'est assez coûteux en électricité et ça nécessite surtout d'avoir des prises. Alors, tout dépend de la taille de son logement, mais un radiateur électrique on va dire à bain d'huile, qui chauffe correctement, c'est 2000 watts. Donc il faut avoir la prise adaptée, une prise généralement de 12 ampères minimum. Donc si vous n'avez pas les prises, ben, c'est un petit peu délicat. Mais c'est un très bon chauffage, c'est ce qui est de plus pratique et le plus ressemblant, on va dire, au chauffage central classique avec des radiateurs où il y a de l'eau chaude qui circule dedans. Et puis en plus, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Ensuite, vous avez les poêles à pétrole. Donc vous avez deux types de poêles à pétrole, les poêles à pétrole à mèche et les poêles à pétrole électronique. Alors à mèche, c'est premier prix, c'est le moins coûteux. Mais l'inconvénient, bah, c'est que... Et là, donc l'avantage déjà des poêles à mèche, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner. Donc s'il y a une panne d'électricité, bah, vous avez du chauffage quand même. Alors que le poêle électronique nécessite de l'électricité et est beaucoup plus coûteux. Mais donc le poêle électronique produit un petit peu moins d'odeur désagréable, alors que le poêle à mèche, bon, il faut quand même supporter les odeurs. Et puis, bon, c'est un petit peu plus à risque. Et puis, vous avez donc comme... Et autrement, vous avez des poêles à gaz. Donc, il y a trois types de poêles à gaz, catalyse, infrarouge et infrableu. Alors, l'infrableu, c'est le moins coûteux. Vous avez un brûleur en inox qui produit des flammes bleues. Vous avez un chauffage instantané, une chaleur rapide. Ensuite, vous avez l'infrarouge. Ce sont des plaques réfractaires qui sont chauffées par les flammes. Et donc, ça fait un... Et donc, c'est une convection par rayonnement. Alors celui-là est pas mal du tout. Il est un tout petit peu plus coûteux. Et ensuite, vous avez la catalyse. Donc c'est une combustion à basse température. Vous avez une chaleur homogène. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de flamme et donc pas de gaz carbonique ou très peu. Et donc également très peu de risque de monoxyde de carbone. Bon, enfin, généralement, les poêles de maintenant sont... Donc celui-là, ils sont pas mal du tout, ces poêles à gaz. Les poêles sont équipées maintenant d'une sécurité qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement en cas de hausse du monoxyde de carbone. Donc les risques d'asphyxie sont quand même relativement limités. Bon, vous pouvez toujours faire sauter la bouteille de gaz si vous branchez mal les tuyaux, mais bon, c'est pas... Et donc les poêles à infrarouge, j'ai testé personnellement, c'est pas mal du tout. Vous avez une chaleur très agréable et vous avez la bouteille de gaz, vous fait 5-6 jours quand même, avec en chauffage continu en plus, donc avec une bouteille de 13 kg. Alors il faut savoir quand même que la bouteille de 13 kg ne fait pas 13 kg, 13 kg c'est 13 kg de gaz. La bouteille de gaz, elle fait en tout exactement 25 kg, donc quand vous habitez en étage, il faut les soulever, les porter, c'est voilà. Donc ça c'est l'inconvénient majeur. Bon, donc des poêles à gaz, c'est le poids des bouteilles de gaz, les manipulations, le pétrole, bah, c'est pareil, un bidon de pétrole c'est quand même 20 litres, faut le porter aussi, vous avez des risques de le renverser, etc. Donc l'idéal éventuellement c'est le radiateur électrique, mais vous avez le problème des prises de courant qui vous n'avez pas forcément dans vos pièces, voilà. Alors, juste un petit détail, si l'installation est récente, une prise de 120 volts pour un radiateur qui va jusqu'à 2000 watts, c'est bon. Tu peux garder une prise classique. Si l'installation est ancienne, des fois, il y a des appartements avec des installations très anciennes, là, c'est pas conseillé, ouais. Il vaut mieux la prise adaptée. Mais sinon, ça va dans les normes d'une prise de courant normale. Jusqu'à 2000, hein. Si vous avez un chauffage qui va plus haut de 2000, là, c'est plus possible. D'accord, moi, ça, voilà. C'est bon à savoir. Et puis, pour le gaz et le pétrole, même si les progrès, il faut quand même penser à aérer son appartement quand même au moins une ou deux fois par jour, ne serait-ce que 5-10 minutes. Ça permet quand même à ne pas avoir d'odeur du tout. Et voilà. Mais c'est beaucoup plus, en tout cas, efficace qu'il y a une dizaine encore d'années en arrière. Bah, moi, l'air qui passe par les fenêtres, ça suffit à aérer. Complètement, complètement. Toujours sur Fadjet 94.2 et c'est la suite de l'émission des bons plans solidaires du GSA. Je suis en compagnie de Radija. Bonjour Radija. Bonjour Tabou et bonne année. Bonne année à toi aussi Radija. Écoute, alors dis-moi, je crois savoir que tu nous as préparé une petite chronique pour cette semaine. Oui, bonjour chers auditeurs. En ce début d'année, je tiens à vous adresser mes voeux les plus chaleureux. Que cette nouvelle année soit une mélodie de bonheur, de découverte et de succès pour chacun de vous. Puisse chaque note de 2024 résonne avec la joie et l'épanouissement. Bonne année à vous tous. Pour bien commencer cette nouvelle année, je partage avec vous une recette irrésistible de galettes de roi. Alors, prenez vos tabliers et laissez-vous emporter par cette aventure culinaire. Ingrédients, disques de pâte feuilletée, 2 disques de pâte feuilletée, 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre, 75 g de beurre moulu, 2 œufs plus un jaune pour la dorure, quelques gouttes d'extrait d'amande amère, une fève et une couronne si vous le souhaitez. Instructions. Préchauffez le four à 180 degrés. Mélangez poudre d'amande, sucre, beurre moulu, 2 œufs et extrait d'amande amère pour obtenir une crème. Déposez un disque de pâte feuilletée sur une plaque, étalez la crème d'amande en laissant un bord libre, cachez la fève, recouvrez avec la deuxième disque, soudez les bords, dorez avec le jaune d'œuf. Enfourez 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la galette soit dorée. Laissez refroidir avant de déguster. Que cette recette vous régale et que chaque bouchée soit une note de note de douceur dans votre année à venir. Bonne dégustation et excellente année 2024. Eh bien, merci beaucoup, Radija, pour cette petite recette. Effectivement, bonne année à vous tous. Sur ce, nous allons passer à une petite pause musicale. Étant donné que nous sommes au mois de janvier, nous avons choisi de vous passer January Star de Sting. Donc January Star de Sting. J'espère que vous passez toujours un agréable moment sur Fadjet 94.2. Vous êtes toujours sur l'émission des bons plans solidaires du groupe Solidaire Actif. Je vais maintenant laisser la parole à Alain, à nouveau, qui a une petite chronique sur les soldes, car si je ne me trompe pas, les soldes viennent de commencer mercredi dernier, 10 janvier. Oui, les soldes viennent de commencer comme le blanc. Alors, les décorations de Noël sont terminées, mais il en reste toujours à 60%. À partir du 10 janvier, vous pouvez trouver dans certains magasins des super réductions. Profitez-en pour faire le plein d'anorak, de pyjamas, de pulls et de divers pantalons. Pour l'achat de certains articles, s'ils dépassent 20 euros, le magasin vous rembourse 10 euros sur les vêtements possédant une étiquette de couleur. Le mois de janvier est la fête du blanc. Draps, peignoirs, serviettes de toilette. Allez voir, c'est très intéressant. dans les rayons à chaussures de très belles affaires. Il faut profiter de ces promotions. Une paire de chaussures achetée, puis une autre paire gratuite. À condition qu'il y ait l'étiquette. Eh bien, merci beaucoup Alain. Dis-moi, est-ce que par hasard, tu aurais peut-être quelques autres endroits à nous conseiller, peut-être, histoire de pouvoir avoir des bons prix, enfin, en tout cas, est-ce que tu as des bonnes astuces, de bons plans? Oui. Alors moi, j'en ai une à vous donner, ouais. Ça n'a rien à voir avec les soldes. C'est le Secours catholique qui a ouvert une friperie pour tous, donc pour toutes les personnes qui sont à Nancy. C'est rue de la Commanderie. Mm-hmm. C'est ouvert ou ça va ouvrir d'ici quelques jours. Je vous conseille d'y aller. C'est ouvert à tous et vous trouverez des affaires, alors uniquement vêtements, chaussures, manteaux, etc. Entre 2 et 5 euros pièce. Il y a aussi le Maïs à Mondeuve, qui ont changé tout le système du magasin. Et depuis maintenant, il y a plus de choix. Et c'est pas plus cher qu'avant. Eh bien, merci Alain pour ces bons conseils. Alors, on va continuer sur le même sujet avec Bertrand, qui, lui, va nous donner quelques règles pour ne pas se faire avoir pendant justement la période des soldes. Vas-y, Bertrand. Alors, la première des règles, c'est déjà d'apprendre à compter et de faire attention parce que 30% de réduction. Si je prends un article à 100 euros, ben 30%, ça me le fait à 70, c'est sûr. Mais si je prends un article à 130 euros et que je fais moins 30%, ça me le fait pas à 100 euros, mais encore moins cher. Donc il faut faire attention à ce genre de trucs. Ça, c'est les petites astuces. Autrement, faire attention éventuellement aussi, ben, le classique. Puis regarder les habits pour pas qu'il y ait de défauts. Voilà, regarder s'il n'y a pas de défauts. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors un article soldé, en principe, c'est toujours écrit ni repris ni échangé, mais il faut savoir que pour ce qui est des défauts, un article sera obligatoirement toujours de toute façon repris et remboursé s'il le faut. Si jamais vous rentrez chez vous, vous apercevez que, j'en sais rien, la fermeture éclair a été montée à l'envers ou n'importe quoi, vous ramenez l'article et si le commerçant veut vous donner un bon d'achat pour autre chose, soit il a le même article à vous redonner en échange, vous acceptez ou pas, mais autrement c'est remboursement pur et simple parce que c'est un défaut, donc ça garantit l'égal de conformité, ça s'applique tout à fait aux articles soldés. Ça, c'est un truc qui est toujours bon à savoir. Oui, et par contre, concernant les tailles, si on prend un pantalon, par exemple, pour son petit garçon, et puis qu'on l'essaye à la maison, qu'on se rend compte que la taille ne va pas, là, le commerçant n'est pas obligé de vous le reprendre. Il n'est pas obligé, ce serait vraiment un geste commercial pur. Bon, après, ça dépend si vous êtes habitué du magasin ou pas, voilà. Mais normalement, effectivement, pour les soldes, vous êtes censé essayer l'article avant de le... Voilà. Le prendre, c'est l'avoir approuvé. Merci Bertrand pour ces bonnes infos qu'il faut toujours avoir en tête. On continue notre émission avec cette fois-ci Tao qui va nous parler d'un sujet bien particulier concernant la ville de Nancy sur l'année 2024. Vas-y. Alors, oui Lionel, il se trouve que Nancy a été désignée pour l'année 2024 comme étant la capitale mondiale de la Commedia dell'arte, ce style de théâtre traditionnel italien, très très très connu, voilà, qu'on étudie notamment à l'école, enfin... Seulement, je m'en rappelle. Elle a donc été désignée donc, par l'association italienne SAT, qui est une ONG reconnue par l'UNESCO dans le domaine du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et qui, du coup, va organiser à Nancy tout un festival de théâtre, donc de Commedia dell'arte, qui se déroulera du 21 au 25 février de cette année. Voilà, on vous l'annonce un petit peu en avance. Plus de 70 spectacles, dont la plupart sont gratuits, vont se dérouler sur plus de 19 communes du Grand Nancy. Hein, donc, c'est quand même un événement d'envergure, hein, voilà. Très gros festival. Hein. Plus de 26 compagnies joueront. À noter que les années précédentes furent désignées comme capitale mondiale annuelle hein, de la Commedia dell'arte, des villes comme Philadelphie, Sydney, Hong Kong. Donc on est quand même sur un événement qui m'a l'air fort intéressant. D'accord. Eh ben, on ne manquera pas. Tu nous redonnes la date. Les dates, du 21 au 25 février, vous pouvez trouver le programme de cet événement tout simplement sur le site de la ville du Grand Nancy, enfin de la métropole du Grand Nancy, hein, voilà, où ils ont une brochure avec toutes les informations et une partie des spectacles qui est déjà dévoilée. Ou dans les offices du tourisme. Ou dans les offices du tourisme, voilà. Mais n'hésitez pas. Hein, c'est l'occasion de pouvoir assister à un spectacle traditionnel de Commedia dell'arte gratuitement, avec en plus des compagnies dont certaines sont relativement connues. D'accord. Eh bien, merci pour cette bonne info, Tao. Merci. Allez, maintenant, on fait une petite pause. On va écouter la bande. Vous êtes prêts à écouter Les Copains d'abord de Georges Brassens. C'est parti. Mmh.

Donc des reconstitutions qui sont assez même proches de la réalité. Et vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc si vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube et vous allez voir des documentaires qu'il a réalisés à partir d'images 3D et un reportage aussi où il y a un côté reportage filmé et rajout pour la précision de certains événements avec des images 3D. C'est vraiment super intéressant. On est dans Nancy dans les années 1800. Vous allez voir la place Stanislas à sa création comme elle était. Vous allez revivre toute l'Expo internationale de Nancy de 1909 qui s'était située donc sur le parc... Le parc Sainte-Marie. Le parc Sainte-Marie, voilà. Avant même que les thermes soient installés. Vous allez voir, c'est vraiment... Son travail est vraiment remarquable. Donc, vous trouverez tout ça, toutes ces vidéos sur YouTube. Vous cherchez MGS en majuscule 3D M Santiago. Je répète, sur YouTube, MGS 3D M Santiago. Et vous verrez toutes ces réalisations qui sont vraiment super. Voilà, François, je crois que tu as une bonne info à nous donner aussi. Bonjour. Chaque mois, le BBC, rue Gilbert à Nancy, ouvre ses portes. Un artiste qui expose sur ses murs. En janvier, vous pourrez découvrir Petit Fantôme et Maud Miel qui présenteront leur expo, coupe décalée en univers, graphique et coloré. Enfantin et texturé, l'expo se déroulera jusqu'au 31 janvier. Eh bien, merci Françoise pour cette bonne info. On reviendra un petit peu plus tard sur le sujet, cet endroit triculturel et festif à Nancy. Moi, je vais vous parler d'un film que vous connaissez. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Papy fait de la résistance. Ouais. Oui, oui. De, hein, voilà. Oui. Donc avec la troupe du Splendide, on retrouve Philippe Noiret, etc., etc., Bernard Blier. Et tout le monde connaît ce film culte, mais ce qu'on ne sait moins, c'est que le film est adapté en fait d'une pièce de théâtre qui a été créée en 1981 par la troupe du Splendide, donc l'ermite, Balasco, etc. C'est cette version théâtrale que nous vous proposons de découvrir. Vous allez y retrouver Elena Bourdel, dit la Bourdelle, la grande cantatrice de l'épouse du maestro André Bourdel, mais aussi le fameux général Spons, la femme collaborateur, Ramirez, le résistant, Michel Taupin, et évidemment Guy Hubert, dit super résistant. Les temps sont moroses, vous avez envie de vous détendre, de rigoler, alors n'hésitez pas. Papy fait de la résistance, c'est au caveau de la Rouelle, à Villers-Nancy, avec toute la troupe de la Rouelle, le 19 janvier à 20h45, le 20 janvier à 19h30 et le 21 janvier à 16h. L'entrée est à partir de 10 euros. Yves, tu nous mets un petit extrait ? On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Alors, on termine cette rubrique avec Françoise. Françoise, tu as aussi une info à nous donner. Vas-y. Récital de guitare classique le 24 janvier 2024 à 19h à la grande salle du parc de Charmois à Vendeuve avec Sofiane Courta et avec la participation de Vincent Lambert à la flûte et Zachary Country à la guitare, l'entrée gratuite. Eh bien, merci Françoise. Allez, on passe au sujet suivant. Et bien sur ce, nous allons retrouver Lionel qui va nous proposer son traditionnel jeu de l'anniversaire des stars. Le but, deviner qui sont ces stars qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier. Lionel, je te laisse la parole. Alors, c'est parti. La première, c'est une star. C'est normal, c'est une femme. D'accord ? Oui. Et je vais vous donner un premier indice. Elle est née le 19 janvier 1915. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ce que je peux vous dire, est-ce qu'elle est toujours vivante ? Ah ben non, non, elle est plus vivante. Elle pourrait. Oui, oui, bien sûr, elle chantait. Est-ce qu'elle était française ? Oui, elle était française. Ah. Elle est donc. Elle est blonde, brune ? Elle était plutôt cheveux noirs, si je me souviens bien. Elle est née donc le 19 janvier en 1915. C'est une femme, hein, vous avez dit. C'est pas Mireille Mathieu ? Mais elle est pas non, morte. Elle est toujours pas morte. Est-ce qu'elle chantait toute seule ou il y avait un groupe avec elle ? Elle chantait toute seule avec deux, trois musiciens derrière elle. Au pif Barbara, mais j'ai pas l'impression qu'elle était vieille. Non, c'est ça, pas Barbara, mais on s'approche un peu du style. Elle a été écoutée vraiment de partout dans le monde. Hein. Ça peut être une chanteuse française, internationale, tout le monde l'a écoutée. Elle est de Paris. Elle avait la peau blanche. Oui. Ah, la femme du boxeur, là, comment elle s'appelle? Oui, on s'approche. Non, rien de rien. Edith Piaf. Oui, Alain, bravo. Bravo, Alain. C'est Edith Piaf. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milo. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milo. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Cette fois-ci, c'est un homme. Il est né le 23 janvier 1972. C'est un homme. Marseillais. Il est né à Marseille, ouais. Il est né à Marseille. Alors, acteur de cinéma pour les grandes personnes ou pour les grands-parents? Non, c'est alors pour... Alors, il ne chante pas. Il chante pas du tout. Est-ce qu'il fait des films? Non. C'est un sportif. Un sportif à Zidane, peut-être. Oui. Zinedine Zidane. Bravo. On a peut-être rendu trop simple cette fois-ci. Allez, oui, c'était trop simple. On va corser un peu le truc. Finalement, prochaine fois, on va mettre des trucs que vous ne trouverez jamais. Alors, maintenant, on continue. Je suis né, donc, ce nouveau star, c'est un homme. Il est né le 22 janvier 1947. Dans la banlieue parisienne, et c'est un chanteur. Est-ce qu'il fait de la guitare? Non, il joue du piano, mais on le connaît pas pour jouer du piano. Il chante. Il est toujours vivant ou il est décédé? Oui, il chante encore. Ah, maintenant, pas qu'un nom. Et je peux même vous dire que samedi, demain, il sera dans une salle en concert à Metz. Michel Sardou. Alors, le prénom est bon, le nom de famille n'est pas bon. Alors, pas de Michel Jonas. Oui, bravo. Quel talent, voilà. L'orchestre s'installe des professionnels. Come on, boy. Et c'est moi qui s'interpelle. Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus? Oh, Parker, je connais Parker. Voilà, c'était notre dernière star à trouver pour ce jeu-là. Eh bien, merci Lionel. C'était la dernière chronique de cette émission des bons plans solidaires. Merci à vous qui nous écoutez sur Fadjet 94.2. Nous nous retrouvons dans un mois pour notre prochaine émission. Je tiens aussi à remercier nos différents chroniqueurs. Lionel. Merci. Bertrand. Merci. Alain. À bientôt, au mois prochain. Françoise. Merci et bonne galette pour le mois-ci. Oh, merci Françoise. Et un grand merci aussi à Yves qui s'occupe du montage, enregistrement. Bref, c'est le crack de cette équipe. Sur ce, nous vous souhaitons tous une très bonne fin de journée. Nous nous retrouvons donc dans un mois. Bonne fin de journée à tous sur Fadjet.